The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. If only. Si seulement. Possible. Possible. Now, a bit faster. Possible. Possible. If only. Si seulement. Now, use the words in context. Fais des siennes. My brother acted up again and skipped class. Mon frère a encore fait des siennes. Il a séché les cours. Faire des siennes. My computer keeps acting up. I'm going to buy a new one. Mon ordinateur n'arrête pas de faire des siennes. Je vais en acheter un nouveau. Se prendre la tête. I've been racking my brains for hours trying to finish this advanced Sudoku. Ça fait des heures que je me prends la tête pour finir un Sudoku niveau avancé. Possible. She's often nauseated and gets sudden cravings for turkey and cheese. Maybe she's pregnant. Elle a souvent des nausées et des envies soudaines de dinde et de fromage. Il est possible qu'elle soit enceinte. La partition. I'm going to have to really study the sheet music if I want to do well at my violin audition. Je vais devoir bien étudier cette partition si je veux réussir mon audition de violon. Faire des siennes. My computer keeps acting up. I'm going to buy a new one. Mon ordinateur n'arrête pas de faire des siennes. Je vais en acheter un nouveau. Se prendre la tête. I've been racking my brains for hours trying to finish this advanced Sudoku. Ça fait des heures que je me prends la tête pour finir un Sudoku niveau avancé.